Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'épopée du roi Charlemagne. C'est Charlemagne qui a été le fondateur et qui est resté jusqu'à notre époque le symbole de cette unité de l'Europe. Nous sommes sur le retour vers cette union. Nous ne sommes pas des utopistes lorsque nous sommes européens. Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe et de l'Union européenne, au moment où il reçoit le prix Charlemagne, le 15 mai 1958, un prix décerné à des personnalités qui se sont justement engagées pour l'unification européenne, l'héritage de Charlemagne dont se réclame Robert Schuman dans cet extrait, il est multiple. En plus d'avoir inventé l'école, comme le dit la chanson, et au-delà de ses conquêtes territoriales, son principal legs reste probablement, en effet, d'avoir posé les bases de ce que va devenir l'Europe, et ce, dès le tournant du 9e siècle. Le matin du 25 décembre de l'an 800, à Rome, Charlemagne est sacré empereur par le pape Léon III. Peu après, il est acclamé par le peuple et devient de fait Augustus Imperator Romanorum, l'empereur des Romains. L'empereur ne retournera jamais à Rome. Désormais, il s'occupe de politique intérieure. Afin d'assurer l'avenir de son immense empire, il engage de grandes réformes. Le pouvoir judiciaire fait l'objet d'une législation uniforme. Une nouvelle monnaie, le denier d'argent, est imposée dans tout l'Empire. Charlemagne veut également réformer l'agriculture et l'administration de ses domaines. À cette fin est promulgué le capitulaire de Vilis, une ordonnance royale qui impose des règles strictes destinées aux gouverneurs de tous les domaines de l'Empire. Enfin, il rend l'école accessible aux laïcs. La connaissance précède l'action. Telle est sa devise. Extrait du docufiction Charlemagne, réalisé par Gabriel Wengler, diffusé à la chaîne Arte en 2013. Pour nous rappeler l'importance historique de Charlemagne, je reçois l'historien Michel Hébert, professeur à la retraite de l'Université du Québec à Montréal. Michel Hébert, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure de Charlemagne, en France, mais aussi en Allemagne, Michel Hébert? Oui, Charlemagne est vraiment souvent considéré comme, en quelque sorte, le père fondateur de l'Europe. À 1200 ans d'intervalle, il faut faire attention de ne pas trop exagérer ces comparaisons-là. Mais il reste quelque chose de tout à fait vrai et fondamental. C'est que cette unité que Charlemagne a faite de un territoire qui correspond à peu près, en partie en fait imparfaite, mais tout de même à l'Europe actuelle, ça unit deux énormes blocs dans la construction de l'Europe, qui sont le Royaume de France et puis ce qui est la République d'Allemagne aujourd'hui, mais qui était l'Empire allemand pendant tout le Moyen Âge. Des deux côtés, on a considéré, après la mort de Charlemagne, qu'il avait eu un rôle fondamental à l'intérieur, pas seulement pour la construction de l'Europe, qui reste très diverse à ce moment-là, mais à l'intérieur. Charlemagne, comme fondateur, comme un jalon fondamental de la construction de la royauté française, et puis, évidemment, du côté allemand, comme le fondateur de l'Empire allemand, ce qui sera le Saint-Empire romain germanique, dont l'existence se poursuit jusqu'en 1806. Donc, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la très longue durée pour l'identité allemande. Et il y a peu de personnages. Il est à la fois français et allemand. Les deux nations se le réclament, au fond. Absolument. On peut donner un petit point d'avance aux Allemands parce qu'ils ont même consacré Charlemagne comme saint, puisqu'ils l'ont proclamé Saint-Charlemagne à partir du 12e siècle par l'empereur Frédéric Barberousse, qui évidemment cultivait la construction de la monarchie allemande à l'époque. Donc, l'étendue, là, pour qu'on comprenne bien l'ampleur du personnage, vous l'avez un peu évoqué, la France, l'Allemagne, mais plus que ça, là, à peu près l'Europe actuelle, disiez-vous, à son apogée, ça représente quoi territorialement le royaume de Charlemagne? On pourrait le définir presque de façon négative par ce qu'il ne touche pas, c'est-à-dire quelles sont les limites. Ouais. C'est une construction qui s'en va toucher aux limites du côté de l'Espagne actuelle et puis de la mer Méditerranée, la limite de l'islam qui est conquérant à l'époque. Hein. L'islam est au sommet de sa conquête jusqu'à la bataille de Poitiers en 1732 où on a arrêté la progression de l'islam jusque dans l'ouest de la France. Donc, limite d'un côté. De l'autre côté, la limite des populations païennes, c'est-à-dire les Scandinaves, les Vikings de l'époque dans le nord de l'Europe, et puis les Slaves, qui sont encore païens. Les populations germaniques aussi, parce que l'Allemagne est, actuelle est très grande et une partie des populations germaniques de l'époque n'est pas encore chrétienne, sera conquise, sera convertie, d'ailleurs de force, par les armées de Charlemagne. Et puis encore, au sud-est de l'Europe, conflit, compétition avec l'Empire byzantin, oui. dont il faudrait pouvoir reparler un instant, parce que c'est fondamental dans l'idée même de construire un empire. Il y en avait déjà un, l'Empire, oui. qui était l'Empire de Byzance. Alors, Byzance, qui est un christianisme, mais déjà différent du christianisme latin, les Slaves païens, les Germains païens, les musulmans, tout ça, c'est les frontières de l'Empire carolingien. Ouais. Et à l'intérieur, on a la chrétienté latine qui commence à être gouvernée de façon de plus en plus centralisée, ouais. par le pape de Rome. Et ça, on va y revenir parce que c'est au cœur du projet de Charlemagne, cette unification de l'Europe sous la chrétienté. Il devient roi en 768, Charlemagne. Parlez-moi de ça un peu. Dans quel contexte il accède au trône? Alors, ça remonte, son histoire, en quelque sorte, remonte presque, je dirais, une cinquantaine d'années auparavant. Il y a une unification qui se fait du pouvoir monarchique en France. Il faut savoir qu'avant, ce que les petits Français apprennent à l'école comme étant la dynastie des Mérovingiens, qu'on appelait aussi les rois fainéants parce qu'ils n'arrivaient pas à gouverner leur propre royaume, les rois mérovingiens sont évincés par une dynastie nouvelle, descendant de Charles Martel. D'ailleurs, le nom de Carolingien vient pas de Charlemagne, il vient de Charles Martel, fondateur, grand-père de Charlemagne et fondateur de la dynastie. Charles Martel, c'est lui donc qui a vaincu les Arabes à Poitiers en 732. Son fils Pépin le Bref, est couronné roi après avoir consulté le pape puis obtenu l'autorisation, en quelque sorte, ou la bénédiction du pape, après avoir posé cette question qui est fondamentale un peu en histoire de la pensée politique. Qui doit exercer le pouvoir dans ce royaume, oui. mérovingien? Celui qui porte le titre mais qui n'est pas capable de gouverner, ou celui qui n'en porte pas encore de titre mais qui pourrait gouverner? Et le pape lui a donné sa bénédiction et il a été consacré roi. Et c'est donc son fils Charlemagne qui, après avoir évincé son frère, après un certain nombre de cabales politiques, a réussi à devenir le seul, son successeur, et son successeur unique, oui. en 768. Donc, pas de division du royaume de Pépin le Bref. Oui. Roi des Francs d'abord, très vite roi des Lombards également. Comment il va réussir à devenir également roi des Lombards? Eh bien, les Lombards sont à l'époque christianisés, mais avec des influences que l'Église traiterait de hérétiques à l'époque par rapport à une certaine déviation par rapport à la pensée chrétienne traditionnelle. Et donc, Charlemagne entreprend des conquêtes militaires. Il faut dire que c'est dans l'histoire traditionnelle des peuples germaniques, les Francs comme les Germains allemands aussi, de faire des campagnes militaires annuelles. On parle du champ de Mars, qui en fait se passe plutôt au mois de mai. Convocation annuelle de l'armée, une armée qui est composée de tous les grands du royaume, venant eux-mêmes escortés de leurs propres dépendants, ou leurs vassaux, on peut dire déjà à l'époque, oui. Pour des entreprises militaires éventuellement importantes. Charlemagne est un très bon chef militaire. Son armée performe très, très bien. Et avec, en marge de la conquête de la Lombardie, bien là, il entreprend une succession de campagnes militaires qui va l'amener en direction de l'Espagne. Ça sera l'épisode de Roland à Roncevaux, oui. dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Absolument, oui. Mais qui va les amener aussi très loin dans l'Est, à faire la conquête de peuples germains, donc germaniques païens. La conquête des, ce qu'on appelle les Avars, qui n'ont rien à voir avec l'avarice, là, mais les Avars, peuple slave du sud-est de l'Europe. Oui. Peuple très riche qui possédait un trésor immense et donc s'enrichissant à partir de la confiscation du trésor des Avars, Charlemagne a eu ses coffres, on peut dire, se sont remplis, oui. ce qui lui a permis de maintenir continuellement une armée susceptible de défendre la frontière de son nouvel empire. Et cette poussée, on en parle comme ça, comme si ça se faisait en un claquement de doigts. Oui, c'est un bon stratège militaire, mais c'est des années, là. Toute cette prise, cette longue marche sur la Saxe, sur le monde germanique, quand on lit le détail, c'est vraiment une succession de batailles. C'est pas dans la poche, c'est très, très long, tout ça, là, cette entreprise-là. Il prend le pouvoir en 768, il meurt en 814, et puis le règne de Charlemagne, il a fait beaucoup d'autres choses, évidemment, mais le règne de Charlemagne est continuellement marqué par une résurgence de campagnes militaires, ouais. qui sont, au fond, si on n'attaque pas, si on ne conquiert pas, on devient presque automatiquement perdant. Ouais. Essentiellement, une histoire de gagnant, une histoire de victoire, sauf cette bataille que vous évoquiez, qui est sa grande défaite, probablement, la bataille de Roncevaux, une défaite qui, d'ailleurs, trois siècles plus tard, va donner cette fameuse, ce texte, cette fameuse célèbre chanson de Roland. C'est ici, à 1057 mètres d'altitude, au col d'Ibagneta, appelé aussi col de Roncevaux, qu'une bataille entre dans l'histoire. Cette stèle ici, c'est la marque d'un événement qui est fondateur pour l'histoire du Pays Basque et pour l'histoire de la Navarre. Alors, il y a écrit là, Roldan, et il y a une date, 778. Pour tous les écoliers de plus de 30 ans, c'est la légende de Roland de Roncevaux qui, agressé par les Sarrasins qui sont des centaines de milliers, souffle du corps pour appeler à la rescousse son oncle Charlemagne, l'empereur, à la barbe fleurie. C'est une légende. Sauf que la réalité, c'est que Roland, il n'est pas mort des mains des musulmans, il est mort des coups assénés par les Vascons. Pour les Basques, c'est le point de naissance parce que il y a des gens dans Pampelune, la capitale des Vascons, qui sont capables de commander à des troupes, qui sont capables d'agresser, de tenir tête à la plus grande armée européenne, l'armée des Francs de l'époque. Et à partir de là, dans les années qui suivent, se construit dans Pampelune un pouvoir monarchique. Et c'est la naissance du petit royaume de Pampelune qui devient le royaume de Navarre. Extrait d'un épisode de l'émission française « Des racines et des ailes » diffusée en 2015, où vous entendiez l'historien basque Anton Kuruchari expliquer l'importance de cette bataille de Roncevaux pour les Basques. Que se passe-t-il exactement à Roncevaux en 778, Michel Hébert? On aimerait donc savoir, parce qu'on écoute ce que les Basques ou les Navarrais en général en disent, qui n'est certainement pas faux, et qui n'est certainement pas non plus l'entièreté de la vérité. On ne sait pas pour une très bonne raison, c'est que l'événement de 778 a existé, mais il y a eu très, très peu de retentissement dans les vraies chroniques historiques de l'époque. C'est presque anodin. Autant je respecte l'importance que ça peut avoir sur le plan local, autant dans le plan général de la conquête de Charlemagne, ce n'est pas l'épisode le plus important. Ouais. Ça a marqué la limite de l'expansion territoriale, parce qu'après ça, évidemment, le petit territoire qui avait reconquis sur l'islam autour du versant sud des Pyrénées s'est maintenu comme étant ce qu'on appelait la marche d'Espagne, une province lointaine, excentrique de l'Empire carolingien. Le plus important, c'est probablement le fait que plus tard, au moment de la rédaction de la chanson de Roland au 12e siècle, puis un peu avant, un beaucoup plus vaste mouvement s'est entrepris de croisades, de reconquête contre l'islam. La croisade en Orient, évidemment, à partir de 1096, mais aussi la croisade espagnole, c'est-à-dire l'épisode qui dure très, très longtemps, de la Reconquista, la reconquête chrétienne de l'Espagne. Et là, au 11e ou 12e siècle, donc 2-3 siècles après la mort de Charlemagne, on envoie des armées pour la reconquête. Ouais. Et on ressort ce petit épisode qui était passé presque complètement aux oubliettes de l'histoire. On le ressort, on en fait un grand épisode de la Reconquista chrétienne de l'Espagne, ouais. Ce que ça n'était pas véritablement à l'époque. On a besoin de symboles. Et bon, la chanson de Roland va participer à cet effort de guerre, disons ça comme ça. En 800, Charlemagne est sacré empereur de l'Occident par le pape Léon III. On l'a un peu évoqué, mais il faut le rappeler. L'objectif, au fond, de Charlemagne, c'est beaucoup ça, créer une grande Europe unifiée sous le signe de la chrétienté. C'est pour ça qu'il est, entre autres, qu'il est sacré empereur à ce moment-là. Oui. Oui, de façon à avoir la légitimité dans son gouvernement, parce que n'étant que roi des Francs, avec tous ses territoires conquis, le seul titre supérieur au titre de roi ne pouvait être que le titre de empereur. Ça pose le problème pour Charlemagne du fait qu'il existait déjà un empereur à Byzance, qui en 800 est d'ailleurs une femme, Irène, qui a des problèmes considérables à l'intérieur de son propre empire. Et Charlemagne, ou ses conseillers, en fait, profitent de l'occasion pour prétendre ou affirmer qu'au fond, cette impératrice, parce qu'elle était femme, mais pas seulement parce qu'elle était femme, n'était pas vraiment légitime, qu'on pouvait considérer que le siège de Byzance, siège d'Empire romain byzantin, était vacant. Et donc, il y avait possibilité de reconstruire l'Empire à partir du travail de Charlemagne. À ça s'ajoute, évidemment, la concurrence de plus en plus forte entre le pape de Rome et puis le patriarche de Jérusalem, parce que le pape de Rome se prétend de plus en plus l'héritier de Saint-Pierre dans suprématie sur l'ensemble de l'Église chrétienne, mais le pape de Rome ne gouvernait plus non plus l'espace byzantin qui était sous l'autorité religieuse du patriarche. Et donc, le pape de Rome, il trouve son compte, Charlemagne, il trouve son compte. Dans les deux cas, on est en train de faire une grande translation, en quelque sorte, culturelle, religieuse, politique, de Byzance vers la capitale de Charlemagne, qui est dans le nord de l'Europe, qui est à Aix-la-Chapelle, ouais. mais en passant par Rome, Charlemagne grandit de cet épisode-là, mais le pape grandit ouais. lui aussi parce qu'il est l'un protège l'autre. Ils sont deux copains, si j'ose dire, ouais. Qui s'entendent très bien puis qui ont des intérêts absolument communs. On va passer les quelques minutes qui restent de cette émission à parler de l'héritage déjà de Charlemagne, parce qu'au-delà de ses conquêtes militaires, évidemment, il est l'artisan de ce qu'on va appeler la Renaissance carolingienne, Renaissance au cœur de laquelle se trouve cette idée nouvelle d'une école pour tous. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va promouvoir l'éducation dans un but, mon Dieu, mi-désintéressé, mi-pratique. Mm-hmm. On ne sait pas très bien, n'est-ce pas, quelle est la véritable raison. Le résultat, c'est que nous aurons désormais des écoles. Alors, on fait des écoles primaires, de paroisse, et nous aurons cela jusqu'à l'époque moderne, les écoles de paroisse. Oui. Puis nous aurons des écoles vaguement secondaires, dans les écoles, près des cathédrales, ce qu'on appellera les écoles cathédrales. Mm-hmm. Et puis nous allons avoir au palais, n'est-ce pas, et qui suit Charlemagne partout, une école nomade, qu'on appelle l'école palatine, et qui va, elle, former les cadres supérieurs, c'est-à-dire les grands fonctionnaires. Participe passé, 4 et 4 font 8, leçon de français, de mathématiques, que de, travail, sacré Charlemagne, il aurait... Sur la chanson « Sacré Charlemagne », vous entendiez Arlette Joffe-Nicodème, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, à l'émission « Si femmes savaient » en 1970. Alors, la question qui tue, Michel Hébert, Charlemagne a-t-il vraiment inventé l'école? Oui et non. J'aime bien, moi, des réponses ambiguës. Il n'a pas inventé l'Empire romain avait des écoles ouais. un peu partout. L'Empire romain tardif connaissait des écoles encore. Il se trouve qu'avec la chute de l'Empire romain, c'est vrai que la fuite, la disparition de la population urbaine avait vu se dissoudre un peu ce réseau scolaire qui existait auparavant. Et donc, Charlemagne, dans son objectif beaucoup plus général de faire renaître l'Empire romain, la culture de l'Empire romain, a voulu restituer un réseau scolaire. De ces fondations carolingiennes, ce qui resté, en fait, l'école palatine dans le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle n'est pas devenue une université, contrairement à d'autres écoles qu'ils sont devenues. Mais les écoles dans les cathédrales, en effet, ont été fondamentales. Elles ont duré auprès des évêques une école, un lieu de formation, un lieu de transmission du savoir, un lieu d'éducation qui est demeuré. Ouais. Mais pour être franc, les vraies fondations des écoles modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui se font beaucoup plus dans les villes au 13e, au 14e siècle, où à peu près toutes les villes sur le plan municipal, laïques d'ailleurs, fondent des écoles primaires, des écoles secondaires. Donc il y a de la vérité, il y a du faux là-dedans. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est l'insertion de cette idée d'une école dans un projet beaucoup plus large, qui est celui de faire renaître l'Empire romain. Il est l'Empire, il veut incarner l'Empire romain. Ouais. Et il s'appuie littéralement sur le plan matériel, sur la culture romaine. Et je donne un exemple qui me paraît extrêmement symbolique. Lorsque Charlemagne construit son palais à Aix-la-Chapelle, pour la chapelle de son palais, qui existe encore aujourd'hui, c'est mm-hmm. le plus ancien monument d'Europe encore debout, il fait venir d'un temple romain de Ravenne des colonnes du temple romain pour les dresser, pour construire sa chapelle palatine. Donc, son empire, il veut l'incarner dans la pierre comme étant réellement romain. Oui. C'est une vision, en fait. Ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, c'est par différentes mesures concrètes, mais c'est de mettre en œuvre cette fameuse vision qu'il a. Exactement. Alors, les mesures les plus durables, finalement, au-delà des écoles, ça va être la fondation des ateliers de copies de manuscrits, par exemple, dans tous les monastères. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important parce qu'on est à une époque où les manuscrits de toute la littérature ancienne grecque et romaine était copiée sur du papyrus. Ce papyrus, au 9e siècle, il existe encore. Il est souvent très détérioré. Il est en voie de disparition. On ne fabrique plus de papyrus à l'époque de Charlemagne. On utilise le parchemin. Le parchemin est beaucoup plus durable. Alors, copier des manuscrits anciens de papyrus sur du parchemin, c'est une œuvre extraordinaire pour la durabilité, pour la transmission de tout l'héritage classique grec et surtout romain vers notre culture moderne. Pour faire ça, il y a aussi rénové la langue latine, dont l'usage se perdait, parce que la langue française la langue allemande aussi du côté germanique, apparaissent les premiers textes en langue française datent de l'époque de Charlemagne. Mais pour mieux comprendre cette littérature, on a rénové la langue latine, on a rénové l'enseignement du latin, on a réformé l'écriture. Charlemagne voulait unifier, il voulait qu'on puisse lire à travers tout l'Empire les manuscrits qui étaient copiés dans chacun des ateliers. Sa réforme de l'écriture, c'est quoi? C'est l'alphabet romain, c'est les caractères romains tels qu'on les trouvait à l'époque romaine, qu'ils avaient disparu. On les fait renaître et puis qu'est-ce que l'imprimerie va adopté comme alphabet le plus typique, ce qu'on appelle la minuscule, la lettre caroline, c'est-à-dire la lettre romaine, l'alphabet romain, redéveloppé et diffusé largement par Charlemagne. Donc, on le voit en vous écoutant, déjà, on est vraiment dans l'héritage. Il nous reste aujourd'hui encore énormément de cette époque et de cette vision qu'a Charlemagne de cette Renaissance carolingienne. Plus concrètement, de manière plus terre-à-terre, quand il meurt en 814, que devient son empire à sa mort? L'empire de Charlemagne, il sort essentiellement d'une conquête personnelle, celle d'un chef militaire, et puis on est encore à une époque d'une culture politique germanique où les royaumes sont personnels à ceux qui les ont constitués, et donc on les divise à la mort du prince, à la mort du souverain ou à la mort du roi. Dans le cas de Charlemagne, c'est un peu plus compliqué parce que son fils, Louis Pieux, ne lui survit au fond qu'un seul fils. Donc l'Empire, après 814, est entre les mains de son fils Louis Pieux. Mais à la mort de Louis Pieux en 843, la vieille tradition germanique revient. On procède au partage de l'Empire de Charlemagne en trois. C'est le fameux traité de Verdun de 843 qui, lui, laisse des traces incroyables dans la géographie de l'Europe actuelle, parce que d'un côté, on a ce qui deviendra la France, de l'autre côté, on a ce qui deviendra l'Allemagne, et entre les deux, entre les mains de Lothaire, du troisième fils, il y a un espace qui va, en gros, de la Hollande, la Belgique actuelle, en descendant vers l'Italie, qui est une mosaïque de petits territoires, de principautés, qui ne seront jamais réunifiés avant une époque beaucoup plus récente. Mais déjà, toute la géographie de l'Europe actuelle se dessine à travers le traité de Verdun. Et donc, c'est la fin politique de l'unité carolingienne. Chalébert, c'est toujours un immense bonheur de vous recevoir, professeur à la retraite au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Sacré, sacré.